placez l'original face dessous sur la glace. Vérifiez le format du magasin. Sélectionnez le nombre de copies. Fermez le cache. Appuyez sur impression. Thank you.